Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107 FM, comme je le disais. Et pour l'édition de ce soir, on va se diriger dans un angle plus musical, dans un angle plus artistique avec Gomidas et Xiao. Donc bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, hein, Gomidas et Xiao, vous avez récemment, à l'heure où on enregistre l'émission, vu que ce n'est pas du direct, pour une fois, le dimanche 22 juillet à 15h30 à Bourbonne-les-Bains, vous avez fait un concert où toi, Gomidas, tu as créé un tableau en chantant et où Xiao t'a accompagné au piano, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Bien qu'elle donc... ait d'autres talents, elle était pianiste ce jour-là. Ben, on est là pour mettre en avant vos nombreux talents, vos carrières et vos parcours respectifs et aussi votre collaboration, car après tout, c'est une collaboration. J'en profite aussi pour passer un petit bonsoir aux auditeurs qui sont là tous les soirs et à tous les autres hein, qui nous écoutent aussi a posteriori en podcast. D'ailleurs, je répéterai à la fin de l'émission comment l'émission sera disponible en podcast. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'exceptionnellement, Mika n'est pas présent pour cette émission consultant musical, comme elle a été préparée, prévue très très tard. Bon, j'ai pas eu le temps de le prévenir, mais Mika, je pense aussi très fort à toi. Cette émission est aussi un petit peu pour toi, car après tout, tu es un si grand passionné de musique. Enfin voilà, les petites dédicaces sont faites, donc on va pouvoir se consacrer à vous. Alors, Gomidas et Xiao, Xiao Xianglong. Oui, c'est ça. Donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les deux, peut-être à commencer par Xiao. D'accord, bonjour. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle vraiment en chinois, ça se prononce comme ça, Long Xiao Xiong. Oui, je suis une chinoise et puis j'étude au conservatoire d'Épinal. Donc, je viens de terminer mes études. Donc, j'ai commencé à faire mon carrière de ce moment-là. Normalement, je suis une chanteuse lyrique et une voix mezzo-soprano. Et je joue le piano, et je joue un peu le clavecin, et puis je suis en train de prendre l'harpe. Oui, voilà, c'est pour moi un peu l'histoire. C'est oui, c'est le gros de ton parcours. D'ailleurs, oui, tu l'as dit, tu viens de Chine, tu es née et tu as grandi en Chine. Où ça exactement? Oh, c'est à Shanghai. Ah, Shanghai. C'est pas soi-disant la ville du bonheur? Ah oui, je sais pas trop, mais bon, c'est une grande ville, il y a plein de monde, et puis voilà. Et d'ailleurs, dis-moi, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et je peux te poser la question à toi. Oui. Est-ce que c'est important, la musique en Chine? Oui, pour l'instant, c'est de plus en plus important parce que Chine, il est en train de développer beaucoup, ça progresse beaucoup. Mais les gens, peut-être surtout, ils travaillent beaucoup, pas surtout dans la musique. Mais ce temps-là, il y a de plus en plus de gens qui va mettre beaucoup de temps dans la musique. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont envie de faire la musique, commencer maintenant, voilà. Oui, parce que c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup de jeunes prodiges chinois extrêmement doués au piano ou au violon. Et, oui. Et voilà, quoi. C'est vrai que c'est dire que c'est culturellement parlant en Chine, c'est vraiment très important. Oui, c'est important. Et puis maintenant, il y a beaucoup de petits enfants qui déjà commencé quand il est petit, il a 3 ans ou 4 ans, il a déjà commencé à jouer le piano ou le violon. Je pense que c'est vraiment très bien pour améliorer, pour détendre un peu quand il a vraiment fatigué en comment dire, dans l'école, tout ça. Oui, oui, c'est pas mal. Et en parlant de toi, comme tu as dit, chez les enfants, ça commence tôt. Tu as commencé le piano et le chant à quel âge ? J'ai commencé le chant quand j'ai 10 ans. Ah, donc beaucoup plus tard que d'autres... Oui, c'est un peu tard. Mais bon, c'est quand même assez jeune quand j'étais 10 ans. Et pour les chanteurs, en fait, peut-être c'est mieux de commencer après 18 ans. Parce que la voix qui n'est pas vraiment adaptée quand on est très jeune, on chante dans voix d'enfant. Et puis après 18 ans, on peut commencer à construire un autre voix, on trouver un autre voix différente. C'est vraiment pour les hommes aussi, parce qu'on change la voix. Oui. Oui, voilà. En effet, la voix change. Donc tu as commencé à chanter à 10 ans. Et mm-hmm. C'est quand que tu as commencé le piano? À peu près pareil, peut-être 11 ans ou 12 ans, comme ça, oui. Quand je trouve l'intérêt dans la musique, je commençais à prendre le piano aussi pour jouer en même temps, voilà. Et bon, t'inquiète pas, Gomidas, non, hein, non, je t'oublie pas. J'écoute avec beaucoup d'attention. Parce qu'après tout, c'est vrai que j'ai... Non, mais j'ai même des compléments à dire par rapport à ce qu'elle m'avait raconté. Ses parents l'ont beaucoup aidé. Oui. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse être à l'aise là-dedans. Voilà. En Chine, c'est particulier, hein, là, c'est des enfants uniques, etc. Donc, ce sont des trésors, les enfants. On fait très attention à eux. Et puis, elle me dit que les parents l'avaient beaucoup encouragé. Et c'est comme ça, hein, que tu as commencé à 10 ans, mais ça t'a pas empêché de faire des conservatoires. Quand est-ce que tu t'es vraiment décidé que la musique serait ta vie? Ah, ça c'est quand même difficile à dire. Quand j'ai 10 ans, je trouve que je peux chanter. Et je trouve chanter, ça me fait du bien et tout ça. Mes parents me soutiennent beaucoup. Donc, j'étudie au collège, au lycée, comme ça petit à petit. Pendant les week-ends, mes parents me envoyaient pour chez les professeurs pour pratiquer le chant, pour pratiquer le piano, tout ça, comme ça, en même temps. Donc, c'est après 18 ans que je commençais études dans les conservatoires professionnels, comme ça. Avant, c'était un peu comme comme on fait les loisirs, un peu. Oui. Et après, tu as décidé, après le lycée, d'aller faire le conservatoire. Tu es tout de suite venue en France? Oui, c'est une histoire intéressante. En fait, je suis très triste. Quand j'étais 18 ans, j'ai fini mon lycée. J'ai pas réussi d'entrer dans le conservatoire de Shanghai, comme mon ville à Shanghai. J'aimerais bien entrer là, mais bon, après ça... C'est le directeur de conservatoire de Nancy qui venir à Shanghai pour choisir les élèves ou qui veut faire plus dans la musique pour aller en France. Voilà, donc ça tombait une chance comme ça. Et je passais le concours et puis depuis ce jour-là, j'ai décidé de sortir en France pour continuer mes études. Voilà, comme... je chante dans les chansons lyriques comme ça. Oui. En Chine, en fait, c'est pas beaucoup. On chante plutôt les façons traditionnelles chinoises comme ça. Et puis les façons européennes, c'est mieux comme ça. Je sortir études en Europe. Voilà, c'est pour ça que je choisis continuer mes études en France. Voilà. Ah oui, tu as dit quelque chose de très intéressant, qu'il n'y a pas les mêmes chants en Chine qu'en France. Qu'en France, on a beaucoup de chants différents, mais c'est vrai qu'au conservatoire, si je me trompe pas, si j'ai encore jamais mis les pieds, on est plutôt chant lyrique ou chant d'opéra. C'est même peut-être la même chose. Oui, c'est ça, c'est de côté-là. Et en Chine, tu as dit c'est chant plutôt traditionnel, mais qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord, je vais vous expliquer un peu. Les chants traditionnels chinois, c'est comme, par mes études, je prends, il y a trois choses différentes. Il y a les chansons techniques populaires, comme ça, on chante par la voix, doucement, comme on parlait. Et puis le chant traditionnel chinois, on chantait un peu avec le nez. Donc le son, il a fait un peu concentré, c'est comme une ligne qui sortit tout droit comme ça. Et puis si on chante les techniques un peu chant lyrique de façon européenne, ça sont les voix qui avec les résonances, beaucoup de résonances dans la tête et tout ça, ça fait un peu ronde tout ça. Bon, je vais expliquer un petit peu, c'est juste comme ça. La façon de chanter en traditionnel chinoise, ça c'est seulement, je crois, c'est seulement en Chine. Comme en d'autres pays, il y a les chansons techniques comme ça, d'autres pays. En Chine, c'est une façon comme ça. Donc, quand je choisis de chanter les chansons lyriques qui sont écrites par les Italiennes ou les Allemandes ou les Français, c'est mieux de, voilà, choisir ce chemin-là, de sortir et puis voir d'autres choses. Et oui, et puis tu as alors découvert le chant lyrique quand, à cette heure ou même au moment où tu as commencé à chanter? Oui, quand j'ai commencé à chanter, donc j'ai déjà choisi celui-ci, donc voilà. Je rêve un jour, peut-être, je peux connaître encore plus précis comment ça se fonctionne, le chant européen, le chant lyrique, opéra, tout ça. Voilà. Mais attends, c'est déjà plus que moi parce que tu m'as expliqué avec les différentes résonances, du moins t'as réveillé des vieux souvenirs de chorale de collège. Mais en effet, hein, tu as certaines bases, tu as appris beaucoup, que tu as dit tu continues à apprendre, et vous allez tous les deux nous montrer dans quelques instants comment tu as appris le chant lyrique et comment tu l'appliques, vu qu'on aura droit à une petite chanson en live, presque improvisée, c'est ça? Qui est improvisée, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Ça fait que 15 jours qu'on travaille ensemble en tant que pianiste et chanteur, mais on n'a jamais chanté ensemble. Ça sera une première. En effet, donc on a hâte d'écouter ça. Mais avant toute chose, je me demande encore une fois, on va parler de toi juste après la pause musicale, je pense. On chante alors, c'est ça? Juste avant, oui, je me demande une dernière chose, Xiao. Oui. Est-ce qu'il y a encore ta culture chinoise qui a une certaine importance dans la manière où tu joues, où tu chantes? J'ai pas bien compris le... Ça veut dire la manière Est-ce que quand tu joues ou tu chantes, ta culture chinoise a une influence sur la manière dont tu fais de la musique? Je crois oui, ça quand même, ça fait un peu influence, oui, parce que comme je suis chinoise, je parle souvent en chinoise, donc. C'est déjà, il y a différence entre parler français et parler chinoise. Donc, quand je chantais les chansons chinoises, ça va tout de suite correspondant avec une technique ou une sens très chinoise, c'est typiquement la culture chinoise. Mais quand je chante en français ou en italienne, j'ai essayé de ne pas être par la technique de Chine. Voilà, il faut bien séparer pour être, je trouve les choses, il faut être bien unique, bien pur, voilà, ça c'est mieux, oui, voilà. Est-ce que je peux poser une question? Donc, autrement dit, quand tu avais 12, 13, 14, 15 ans, oui, quand tu étais en Chine, avant que le directeur de Nancy ne vienne, est-ce que tu avais bien entendu parler du bel canto, tout ça, tu connaissais Verdi, tout voilà, ça? Voilà, tu connaissais déjà, hein, mais pas trop, parce qu'on connaissait juste... les sélectionner, les classiques très élevés, voilà. Est-ce qu'on s'écoute un premier morceau pour découvrir comment Xiao a adapté ou adopté même la culture musicale européenne? Alors on va faire un truc un peu rigolo, c'est un air napolitain au sole mio, paraît-il, la chanson la plus connue au monde. On va la faire en napolitain, Donc c'est moi qui prendrai la partie napolitaine, traditionnelle, et puis elle chantera avec des paroles chinoises. Che bella cosa, una giornata e sole, aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca, parecchia una veste. Che bella cosa, una giornata Manna du sole, più bello in è, o sole mio sta in fronte a te, o sole mio sta in fronte a te. Je peux vous dire que votre studio est tellement bien calfeutré qu'il n'est pas facile du tout de chanter dans votre studio. En effet, ben merci beaucoup pour ce morceau. Au soleil mio en duo napolitano chinois. Chinoise. Ou sino-napolitain, voilà, je crois. C'est comme ça, que ça se prononce. D'ailleurs, il va falloir que je re-règle les micros parce que entre quand vous chantez et quand vous parlez, il y a une très très grosse différence. Mais bon, hein, c'est ce qui arrive quand on reçoit des artistes musiciens à l'antenne. Il y a toujours des réglages différents à avoir. Et donc, pourquoi avoir choisi d'interpréter Au Soleil Mio? Alors parce que c'est une chanson qui représente beaucoup le bel canto, hein, puisque ce sont des chansons que les Caruso etc chantaient dans la rue, hein, c'est l'air paraît-il le plus connu au monde. Il a été un petit peu oublié dans les années 50 et il a été repris en 56 je crois par Elvis Presley avec une version anglaise. Donc on commence par le refrain et puis on prend un tempo sud-américain. On ajoute sur le sol une quinte augmentée, puis ça fait du coup sud-américain, et puis ça a été relancé. Mais c'est la chanson la plus connue au monde. Et puis quand on a fait le spectacle il y a quelques jours ensemble, pour petite surprise, je lui ai demandé de chanter un air napolitain en chinois. C'était Santa Lucia. Voilà. Et comme du coup, là, je me suis dit, on pourrait peut-être choisir ce morceau-là. Pourquoi pas, morceau interprété en improvisation totale par Gomidas et Xiao. Donc Xiao qui est d'origine chinoise, hein, tu es chanteuse lyrique, tu fais du piano, du clavecin et tu apprends la harpe celtique. Et il y a aussi Gomidas qui est avec nous en studio, je sais que c'est pas la première fois qu'on te reçoit, mais comme on a déjà bien présenté Xiao, et si on te présentait toi un petit peu à nouveau? Avec plaisir. Donc Gomidas, qui es-tu donc? Alors, je rappelle simplement que J'ai un spectacle depuis 25 ans à peu près qui consiste à peindre en chantant. Je remercie toujours Alain Vanzo qui était l'instigateur, la personne qui m'a confié cette idée, puisqu'il m'a dit que... Alors, c'était un ténor de renom international qui me recevait à Paris, donc je montais une fois tous les 4 ou 5 mois à Paris, et il ne me faisait pas payer. J'étais très timide, alors comme j'étais très timide, je faisais les choses osées, donc j'allais voir Alain Vanzo, parce qu'il avait dit à un copain au téléphone qu'on pouvait tous venir si on était du Conservatoire de Marseille. Finalement, je suis le seul à être monté, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais comme c'est un ténor de renom international et qui était une référence pour nous, c'était un dieu, hein. Donc du coup, je me suis dit, il va me faire payer au bout d'un certain moment. Au bout de la cinquième fois, je me suis dit, là, il faut que je trouve une solution. Je peignais, je lui apportais un tableau. Il a accepté le tableau, il m'a dit, oh, ça me plaît bien, c'est bien ce que vous faites. Pourquoi ne pas faire les deux en même temps? Parce que je me posais des questions sur quoi faire exactement. Et voilà, et pendant quelques secondes, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Et puis finalement, non, je l'ai tenté au premier Téléthon en rentrant à Marseille. Voilà, et ça a marché. Puis ensuite, il y a une presse qui a suivi, etc. Bon, depuis, les tableaux ont eu une cote, etc., puisqu'il y avait des ventes officielles. Voilà, donc c'est tout. Voilà, c'est le truc le plus sympa que... Voilà, comme quoi, les timides, ne vous découragez pas quand vous osez faire des choses. Après, vous pouvez tomber sur des gens sympas qui vous confient des choses sympathiques et ça peut bien tourner. En effet, à ton accent, on l'entend, hein, tu dois venir, bien entendu, de Russie. Ouais, c'est ça. Non, en effet, tu es de Marseille. Oui. Et tu es, quel est ton parcours? Alors, tu as parlé de comment tu en es venu à lier la peinture au chant, ce que tu fais encore et toujours. Mais tu n'as pas fait que ça, vu que bon, tu as quand même touché ta guitare tout à l'heure. Alors moi, c'est encore pire. J'ai commencé bien plus tard. J'ai commencé très tard, puisque c'est vrai, comme disait Xiao Song, le chant, on le commence après la mue. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le conservatoire de Marseille, etc. C'était des amis qui m'ont dit, bah, tiens, tu devrais faire ça. Donc, j'avais 20 ans passé, 21 ans, je crois. Et donc, j'ai commencé à chanter. Et ce n'est qu'après que j'ai commencé à toucher au piano, parce que quelqu'un m'avait dit, bah, tiens, ça vaut la peine de savoir jouer du piano. Et puis après, de la guitare, parce que bon, je me disais que la guitare et le piano, ça allait bien ensemble. La guitare, ça a été en autodidacte. Le piano, j'ai pris quelques cours. Et le chant, j'ai suivi pendant quelques temps... Des cours chez Monsieur Meloni au Conservatoire de Marseille, et voilà. Et donc, tu n'as pas fait que du chant? Non, j'ai fait comme tout le monde, j'ai travaillé dans les magasins, des trucs comme ça. Voilà, non, moi je me suis arrêté au niveau bac, et puis après, voilà, 20 ans, j'ai... Alors, voilà. Et pourquoi la peinture? Alors simplement parce que mon père qui était architecte est mort très jeune à ce moment-là, juste avant que j'ai 18 ans. Donc c'est comme beaucoup d'architectes, il était peintre, mais il était très talentueux. Et c'était quelqu'un qui n'était pas exubérant, donc les tableaux étaient restés dans un coin. Ma mère avait une voix de soprane de très bonne qualité, comme celle de Xiao Song, à part que Xiao Song est mezzo-soprane, mais c'était de la même chaleur, etc. Qui aurait pu faire aussi ma mère une carrière lyrique, mais à l'époque, les Arméniens, les jeunes filles devaient rester à la maison, etc. C'était une famille arménienne, et elle ne chantait qu'à l'église. Et des gens lui avaient proposé de chanter à Milan, etc. Non, elle était restée là. Et du coup, quand à 18 ans, mon père est mort, ma mère a été malade, je me suis dit, ben, j'ai eu une sensation de choses perdues. Je me suis dit, je vais essayer de rattraper le perdu en me rappelant ce que je voyais mon père, quand je voyais mon père peindre. J'ai développé la peinture, et puis je me suis dit, tiens, le conservatoire, ce serait peut-être une manière de travailler le chant techniquement. Donc, voilà. Donc ce que j'ai vraiment appris, c'est le chant, sinon le reste était plutôt en autodidacte. Et bien sûr, la formation musicale est très importante, ça a été fait à l'école, au conservatoire. Et ce qui t'a dirigé, là je l'ai bien compris, c'est l'influence familiale avec un père peintre, une mère, peintre... Oui, mais c'est pas eux qui m'ont influencé, c'est surtout quand ils n'étaient plus là, la sensation de perte... J'ai voulu récupérer un petit peu les souvenirs que j'avais, et puis c'est surtout une notion d'économie et de garder ses parents encore en soi... et après, c'est cette rencontre merveilleuse avec Alain Vanzo, c'était merveilleux, puisque la peinture en chantant, ça m'a permis de marier ou de faire fusionner mes parents ensemble, et ça m'allait très bien, voilà. Ça m'a fait plaisir de tomber sur un gars comme ça qui me propose ça, voilà. Donc j'ai été opportuniste dans le sens, voilà, j'ai pris les fruits comme ils tombaient. Tu les as pris comme ils tombaient, mais d'ailleurs j'ai posé aussi la question à Xiao. Est-ce que toi, dans la manière dont t'as abordé la musique, alors d'après ce que j'ai bien compris, tu as une famille d'origine arménienne. Oui. Est-ce que la culture arménienne a aussi un petit peu sa patte dans l'art que tu crées? Alors dans le chant de ma mère, oui. Dans le champ de ma mère, oui, parce qu'il y a cette chaleur là orientale, que la même qu'on retrouve de l'extrême-orient chez Xiaosong. Mon père avait fait un portrait du père Gomidas, qui était un musicologue et un prêtre important, qui avait écrit, qui est mort en 35 et qui avait écrit une messe arménienne, qui était le père de la musicologie arménienne, disons. Et ma mère chantait du Gomidas aussi, donc c'est un peu pour ça que je m'appelle Gomidas aussi. Et alors j'avais une seule grand-mère, je n'ai connu qu'une seule grand-mère qui ne parlait qu'arménien, voilà, ouais. Et qui a quitté la Turquie, donc à l'époque du génocide en 1915, et toute la famille est venue dans le bateau, du côté de mon père comme du côté de ma mère, dans le bateau qui devait partir en Espagne, et puis ça, le bateau s'est arrêté à Marseille, tout le monde est descendu. Et mis à part ça, il n'y a pas spécialement non plus de conditionnement dans... Si, pas du tout. C'est vrai. Et la peinture, c'est vrai que ça y est, ça me revient parce que j'ai eu un trou. Hein. comme tu peins, qu'est-ce que tu peins ? Alors, comme tous les Provençaux, j'ai peint finalement moi tout seul, après mes 18 ans, 20 ans, j'ai développé une technique provençale au couteau, hein, peinture à l'huile, c'était de la peinture à l'huile surtout. Ensuite, j'ai voulu adapter en 93, quelques années après, quand j'avais 25, 26 ans, j'ai voulu adapter cette peinture à la scène, à ce spectacle-là, et je me suis dit que ça valait pas le coup de passer 2-3 chansons à faire le bas d'un vase, et c'était pas scénique du tout, donc j'ai opté pour le mélange de couleurs, c'est un peu venu tout seul. Pour que ça sèche rapidement, j'ai laissé tomber l'huile et je suis allé sur l'acrylique, parce que quand on a fini le spectacle, c'est bien quand c'est assez sec. L'écueil, des fois mes enfants, pour rigoler quand ils étaient petits, ils me disaient que je faisais du pastisson, mais pas du tout, parce que l'écueil, c'est de pas repasser deux fois au même endroit, sinon ça fait du caca-doigt. Donc l'écueil, c'est de donner des coups de mélange de couleurs sans passer deux fois au même endroit. Oui. Voilà, ça ressemble à peu près à quelque chose, et puis après ça fait de l'abstrait, puis tout le monde imagine ce qu'il veut. Je m'amuse quelquefois à faire en semi-abstrait un clin d'œil à Marseille en représentant Notre-Dame de la Garde avec le port de Marseille, la bonne mère, quoi. Et dis-moi, tu as eu un certain accueil assez rapide quand tu t'es lancé dans la peinture plus le chant en même temps ? Oui, ça c'était chouette. Ouais, il y avait le Méridional à l'époque, qui n'existe plus maintenant. C'était un journal qui a fait le premier article. C'était Monsieur Chakra, un journaliste de l'époque, qui est toujours là, je crois. En tant que journaliste. Et ensuite, il y avait Edmé Santi, qui était une femme extraordinaire aussi, sur la Provence, le Provençal de l'époque. Et automatiquement, après la sortie du journal, il y a eu France 3, M6, et puis ensuite, il y avait eu Monte Carlo, etc. On avait fait plein de choses comme ça qui s'étaient enchaînées. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas trop parlé depuis combien de temps vous faites carrière, si c'est vraiment... Vous faites tous les deux vraiment carrière dans la musique ou dans l'art en général ? Alors, carrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pratiquer son art pour le plaisir ou quoi ? Ou pour la vie, simplement. Longtemps, oui. Enfin, moi, je me suis axé là-dessus depuis 25 ans, donc. Et puis après, bon, pendant longtemps, quand on est peintre, on peint pour peindre. C'est-à-dire que ce qu'on gagne, c'est pour acheter la peinture et pour faire organiser ses spectacles, faire les affiches, etc. Quand on fait son propre management, on va dire. Et puis, comme elle est beaucoup plus jeune que moi, j'aurais presque l'âge d'être son grand-père. Hein, j'ai 52 ans, elle a 27 ans, c'est ça ? Je peux oui, dire ça. Normalement, on ne dit pas l'âge d'une femme, mais là, on peut le dire. je m'autorise à le dire. Donc, elle a 27 ans, donc on n'est pas du tout de la même génération. Donc, elle en est à ses débuts, mais elle a une technique qui... Enfin, moi, je vous garantis que, comme on dit, si les grands dinosaures ne l'embêtent pas trop, je vous garantis qu'on la retrouvera sur les scènes internationales, vu sa qualité. Voilà. Et d'ailleurs, son mari, qui n'est pas au même niveau qu'elle, a une voix de ténor, de très très bonne qualité aussi, de très grande qualité, et bientôt, ça sera un très très bon ténor aussi. Ah bah, on a hâte de vous voir évoluer, Xiao et ton époux, parce que c'est votre but aussi de continuer à évoluer dans la musique. Oui, c'est ça, tous les deux, on va continuer de travailler dans la musique. Et oui, d'ailleurs, on va peut-être se passer une autre pause musicale avant de parler de la rencontre, parce qu'on a parlé de l'un, on a parlé de l'autre, mais on n'a pas encore parlé des deux en même temps. Donc on va s'écouter un premier extrait, alors cette fois que vous n'allez pas chanter cette fois. C'est un duo, extrait de l'opéra Carmen de Bizet, le duo final entre Carmen et Don... José ou Don José, c'est ça? Ouais. Je sais pas si on dit José ou José. Ah, bon, en français, on doit dire Don José, je pense. Ah, oui, c'est vrai. Après tout, Bizet est français. Où était? Mais on dit pas Carmen, bon. Non. C'est vrai. Donc, on s'écoute, une c'est partie. C'est José Carreras, ouais. Oh, oui, je crois, oui, c'est avec José Carreras, Carmen, en effet. Carmen, c'est qui déjà? Et je sais pas si on l'a soulevé. Agnès Baltza. D'accord. Donc, on s'écoute cet extrait et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Donc vous avez écouté un extrait du duo final de Carmen de Bizet, donc entre Carmen et Don José. Carmen interprété par Agnès Baltza et José interprété par José Carreras. D'ailleurs, la pause musicale suivante, ce sera encore du Carmen, mais on est toujours, hein, toujours dans une bulle musicale pour l'émission de ce soir avec, alors, Lang Xiaofeng, c'est, oui, c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là que ça se prononce? Oui. Lang Xiaofeng, qui est chanteuse, pianiste, qui fait du clavecin et de la harpe aussi. Donc toi, tu viens de Chine et les choses ont fait que tu sois venue étudier la musique en France au conservatoire. Et tu es accompagnée de Gomidas, qui est aussi musicien, chanteur-peintre. Hein, vu que tu chantes et tu peins en même temps, ça fait 25 ans maintenant. Mais s'il y a une nouveauté, c'est que vous faites une collaboration maintenant assez récente. Et je pense que c'est le moment de parler de la collaboration. Oui, ben dans les questions, j'y vais. Comme alors, tu le sens. La collaboration, c'est simple. En émigrant de Marseille, en immigrant en Haute-Saône, juste à côté des Vosges, là, dans un petit village, avec les enfants, j'ai inscrit mes enfants au conservatoire d'Épinal, puisqu'ils étaient à Marseille. Et il y en a un qui avait 12 ans, l'autre qui avait 13 ans, maintenant c'est 12 et 14, voilà. Et l'un était accordéoniste, le grand Paul Anton et le petit Alexandre est claveciniste. Et du coup, j'ai un petit peu assisté à des petites représentations de clavecin, tout ça. Et puis j'ai vu une personne sympathique là qui faisait du clavecin. Et puis après, je l'ai retrouvé à une audition de chant, Xiao Xiong. Et puis avec un monsieur tout aussi sympathique, son mari, qui est aussi chinois, Hong Yi. Voilà. Oui. Et donc après, je les écoutais, on les a félicités avec les enfants, et puis après, ils avaient un magasin, et puis qui s'est déplacé maintenant, qui porte le même nom, Chantefeuille. On était passés, il y avait des curiosités super sympathiques, et il y avait un lien entre la musique dans ce magasin et des objets très merveilleux. Ce magasin maintenant s'est déplacé, toujours dans Épinal. Et donc on s'est mis à se parler, on continue à se parler. Et puis après, je me suis dit tiens, de toute façon, c'est tellement dur de trouver quelqu'un de sympathique. Et c'est très difficile pour les musiciens de se trouver entre eux, d'avoir quelqu'un de fiable qui vient de rendez-vous, etc. Je me suis dit tiens, je vais quand même lui poser la question puisqu'elle sait faire du piano et qu'elle est chanteuse, donc elle doit sûrement bien accompagner. Et voilà. Et donc ça fait 3 semaines, je lui ai dit écoute, moi j'avais plusieurs fois que je voudrais faire ce spectacle que je faisais pendant des années à Marseille, que j'ai fait aussi à Paris, etc. Et je voudrais le faire ici, je l'ai pas fait, ça fait un an que je suis là et j'attends de trouver quelqu'un de bien pour le faire et avec qui je puisse avoir des rendez-vous fiables, etc. Voilà. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc 3 semaines après, on a répété 2-3 fois et puis on a fait le spectacle et puis voilà. Et puis, oui, je pense qu'on va continuer. Hein. Voilà. Et je tenais justement lors du spectacle qu'on a fait dimanche 22, donc il y a très longtemps, je tenais à ce qu'elle montre aussi ce qu'elle sait faire, donc chanter avec sa voix superbe et un air napolitain c'était pour faire un petit clin d'œil au bel canto, voilà, en chinois. Donc ça c'est ton approche de la collaboration. Et toi Xiao, tu étais dans quelle optique à ce moment-là? Tu cherchais quelqu'un pour collaborer ou tu n'étais pas spécialement en recherche à ce moment-là? Oh, en ce moment-là, en fait, comme je viens de terminer mes études, oui, je suis en train de chercher travail. Et puis, comme j'ai un petit magasin avec mon mari, donc on travaille en même temps. Donc, garder le magasin, oui, et puis donner un peu les cours de particulier, comme ça, pour... voilà, c'est pour ça quand j'ai... Gomidas, et puis il me trouve dans le conservatoire, on se rencontre, et puis il me propose de faire cet spectacle-là. Je suis très content, je pense que c'est formidable, c'est comme ça, entre les musiciens, on se rencontre, on se fait les spectacles. C'est pas mal, oui, je trouve, c'est vraiment bien. En effet, et quel a été l'accueil de votre spectacle? Celui du 22 juillet, c'était le premier? Le premier et le seul pour l'instant, et puis on en fera d'autres, hein, puisque c'est le tout début. Ben, c'était chouette, hein, on était en plus placés parmi 60 peintres qui avaient tous du talent. C'était organisé par l'Office du Tourisme de Bourbonne-les-Bains. Donc d'ailleurs, je salue les dames qui sont super sympas aussi de l'Office du Tourisme, la directrice et son bras droit. Voilà, et puis c'était sympa, tout le monde était là, c'était vraiment... c'est très convivial. Oui. On s'est exprès positionné sur la place au lieu de se mettre sur le podium, parce qu'on était, les gens pouvaient tourner autour de nous. Voilà. Et globalement, après, les gens sont... Bon, c'est vrai qu'après, dans l'immédiat, dans la performance, parce que c'est une performance, ils vont peut-être pas vous déranger, mais après, ils sont venus vous parler, vous poser des questions. Moi, j'ai eu une personne qui m'a posé des questions pendant que je chantais. Quand j'ai chanté la bohème, la personne m'a demandé si j'avais pas d'autres chansons comme d'autres chansons d'Aznavour. Alors je pouvais pas répondre, j'étais en train de chanter. Oui. Il attendait impatiemment une réponse, monsieur. Non, il y a eu vraiment, oui, on nous a parlé après, et puis voilà. Il y a même des gens qui ont dit que Axia aussi, en plus d'avoir une belle voix, elle avait une belle robe à petit pois. À pois. Voilà. Non, c'était chouette. Et si quelqu'un a peut-être envie de retrouver alors vos performances respectives, parce que j'imagine que votre performance commune est peut-être pas n'a peut-être pas été filmée, ou vous avez peut-être pas de site pas internet. Vraiment, non, on a fait ça vraiment très à la bonne franquette pour l'instant, mais on essaiera de faire ça sous forme finale. Voilà, on pourra faire développer ça, voilà. Mais si quelqu'un, d'ailleurs, je pense, on le rappellera vers la fin de l'émission, si quelqu'un veut voir un petit peu ce que vous faites l'un et l'autre, est-ce que vous avez une page Facebook, une chaîne YouTube ou un endroit où vous êtes référencé sur internet? Oui, sur Facebook, bien sûr. C'est juste taper mon nom et puis ça ira. Donc, Lang Xiaoxiao. Voilà. Donc, je l'indiquerai aux auditeurs. De toute façon, ta page sera taguée avec le podcast de l'émission quand elle sera publiée. Mais je peux peut-être les plaire pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre. Donc, oui. C'est Lang, L-O-N-G. Oui. Et Xiaoxiao, donc X-A-O. X-I-A-O. X-I-A-O, pardon. Oui. X-I-O-N-G. C'est quand on n'arrive pas à relire ses notes. Oui. Donc, c'est toi, tu en as fait une page Facebook. Oui. Comidas. Ah, moi non, pas du tout. Je suis très primitif et malheureusement, et je tiens à me rester. Bon, c'est dommage. Voilà, à mon âge, on peut pas trop changer. Mais bon, je ferai des efforts pour ça. Pour l'instant, j'ai rien du tout, non. Mais écoute, si jamais t'as une page Facebook, tu nous fais signe, on le transmettra aux auditeurs, comme ça ils pourront voir un petit peu ce que tu fais. D'accord, j'ai un numéro de téléphone simplement. Est-ce que tu veux peut-être que les auditeurs te contactent par téléphone? Pourquoi pas, oui, moi j'ai rien contre le fait de donner le numéro de téléphone, oui. 06 72 07 48 22. 06 72 07 48 22. Qu'on rappellera, bien entendu, en fin d'émission pour les auditeurs qui ont peut-être envie de te contacter pour, je sais pas, en savoir plus sur ce que tu fais. Après tout, j'ai bien compris aussi que tes tableaux, tu les vends. Oui, oui, oui, parce que, oui, ils sont cotés. Il y a eu des ventes aux enchères depuis longtemps avec des commissaires priseurs. Mais ce que je dis aussi, c'est que je voudrais vous faire une proposition. On en a parlé avec Xiao Song. Oui. On voudrait faire quelque chose pour vous, pour la radio. En plus, vous êtes super sympa. Hein, c'est oui, ce que c'est. Et vous, d'ailleurs, je suis venu trois fois avec trois présentateurs différents, animateurs. Donc c'était Mika, Lia et Lou maintenant. Et franchement, je trouve que vous êtes très bien, vous faites très bien votre métier, voilà. Et on voudrait faire un spectacle, proposer un spectacle. Je pense que d'autres artistes ont dû vous proposer la même chose, proposer un spectacle pour la radio à titre bénévole, et donc les bénéfices seraient pour soutenir la radio. Pourquoi voilà, pas, superbe radio d'ailleurs qui est bien bien équipée là, je trouve. C'est aussi. Très gentil, c'est très gentil à toi. Bah écoute, c'est noté. Les auditeurs, si jamais, s'ils ont envie d'entendre plus que ce qu'ils ont entendu en première pause musicale, vous serez tenus au courant, bien entendu. C'est noté. Puis ce sera l'occasion de faire un autre événement culturel, une autre journée. Enfin, oui, c'est bien noté. Je vous remercie tous les deux pour la proposition qui me va droit au cœur. Et je transmettrai aussi vos si gentils compliments à mes deux collègues. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait que le travail qu'on fait est remarqué et salué. Ah là là, ça y est, vous m'en avez ôté les mots de la bouche. Mais on est toujours là pour parler musique, pour parler parcours musical, performance bien entendu, vu que peindre et chanter en même temps, c'est une performance artistique. Et oui, comme tu le disais, la collaboration est assez jeune, hein. Le premier concert que vous avez fait, c'est le dimanche 22 juillet à l'Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Jusque-là, votre préparation, alors le morceau que vous avez fait tout à l'heure, c'était un petit peu de l'impro, oui. Du moins vous l'aviez jamais répété ensemble. On n'a jamais chanté ensemble d'ailleurs. Ah oui, aussi. Donc c'est une première, une exclusivité Radio Guimauzo. Oui. On est content. D'ailleurs, je vous remercie. Tiens, j'ai appris que vous aviez soutenu couvert le spectacle avant de vous y annoncer en fait. Merci beaucoup. Mais on de vous rien. Remercie. C'est le billet de sortie. On te remercie. Et comme je le disais, oui, vous avez une collaboration assez récente. Pour collaborer, bien entendu, il faut peut-être être d'accord ou se préparer un petit peu. Comment ça s'est passé pour ce premier concert? Est-ce qu'il y en a un qui a pris le dessus en disant tu joues ça ou tu chantes ça? Ou vous avez des univers qui font que vous êtes assez naturellement d'accord? Je peux répondre ou bah, oui, tu réponds toi comme tu veux. D'accord. Oui, quand on répétait, en fait, c'est Comidas, il présentait toutes les pièces qu'il a chanté déjà, et puis on donnait presque trentaine de morceaux. Et bon, donc j'ai choisi dizaines, 12 ou 13 morceaux comme ça, et puis j'ai préparé, je regardais, je jouais un peu, et puis une fois je comprends comment ça se fonctionne, et puis on répète. Chante deux, trois fois, voilà, ensemble, joue, et puis il chante, et puis on va voir qu'est-ce que il va passer. Ah oui, cette phrase-là, il est trop long, donc on coupe. Sinon, il y a les endroits, on répète, on sent que c'est bien, donc c'est pour ça, ça passe quelques heures, ça va. Donc, c'est bien, entre les musiciens, on discute comme ça. Parce que vous avez aussi, j'imagine, des goûts en commun, des préférences en commun. Bah, si jamais, oui, vous faites tous les deux du chant lyrique, donc forcément l'opéra mais là, déjà. Il y avait de la chanson populaire française oui. aussi, hein, ah, de oui, la variété. Vrai, t'as parlé oui, d'Aznavour. C'est ça. Oui, là c'était la variété. En plus, la bohème d'Aznavour, ça va très bien avec le thème, enfin la gestique, la scénique de Pain en chantant, ça. C'est typiquement ça. Mais là, il y avait du populaire, il y avait air espagnol, etc. Oui. Et Xiaoxiong, elle a un caractère extraordinaire. Elle a un caractère merveilleux. Et puis elle est travailleuse, elle est fiable, elle est gentille, voilà. Ça c'est exceptionnel de travailler avec des gens comme ça. C'est pour ça que des fois on met du temps avant d'en trouver quelqu'un de bien. Oui. Mais tu as donc personne n'a pris le dessus, mais j'ai même laissé choisir des voilà les chansons où elle se sentait bien pour qu'elle puisse accompagner puisqu'on avait très peu de temps pour travailler finalement. Oui. Il valait mieux qu'on choisisse celle où elle se sentait mieux. Et puis le spectacle, il est à nous, donc il est modulable, on peut en faire ce qu'on veut. Hein, ça peut, là, c'était un spectacle, c'était 45 minutes de chansons et de peinture, et puis ensuite, on a fini par voilà la chanson napolitaine en chinois. C'est une autre chanson qu'on va s'écouter, c'est un autre morceau de Carmen que tu as choisi, Xiao, En vain pour éviter, interprété par Grace Bumbry. D'ailleurs, Gomidas, tu m'avais donné quelques précisions, c'est un morceau... Alors, Grace Bumbry, c'était une chanteuse noire américaine, oui. Qui était une mezzo-soprane extraordinaire, qui avait fait beaucoup, qui a été duettiste de Franco Corelli et de Bastianini aussi, qui était baryton, voilà. Ils avaient chanté Le Trou Vert ensemble, etc. Grace Bumbry, c'est une très très grande chanteuse. Donc, on s'écoute cette très grande chanteuse, interprétée du Carmen, En vain pour éviter, et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Pour tous les deux. Et vous êtes de retour sur Radio Gemuzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez écouté à l'instant Grace Bunbury interpréter En vain pour éviter de Carmen, hein, l'opéra de Georges Bizet, que l'on connaît si bien après tout, vu que c'est patrimoine national, si je ne me trompe pas, l'opéra français. Et on est toujours, hein, comme on a écouté un morceau d'opéra, on est toujours avec deux musiciens, artistes et chanteurs lyriques, bien entendu, donc Lang Xiaoxiang, t'as vu, j'y arrive. Oui. Et Ego Midas, donc vous avez tous les deux des parcours assez différents. Vous avez aussi une carrière qui n'a pas du tout la même longévité, comme Xiao, tu es au début de ta carrière, et Ego Midas, tu es loin d'être à la fin, j'espère pour toi, mais non, tu as déjà... jamais de retraite. Non. T'as déjà un quart de siècle dans les papates. C'est ça, hein. C'est bah ça cause, hein, quand ouais, même. Ouais. Ça fait que t'as un certain poids, j'imagine, dans le. Oui, mais c'est un travail artisanal, oui, qui met du temps, oui, qui se fait comme un artisan, ouais. Mais malgré toutes ces différences que vous avez aussi des points communs qui ont fait que vous commencez tout juste une collaboration que vous avez commencé le dimanche 22 juillet à l'office de tourisme de Bourbonne-les-Bains, là où Xiao a interprété des morceaux au piano. Tu as chanté aussi, vu que oui. Tu es chanteuse lyrique aussi, tandis que toi, Ego Midas, tu chantais et tu peignais, parce que tu es aussi chanteur lyrique et peintre depuis 25 ans maintenant. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que c'est une technique qui t'a été proposée par ton professeur de l'époque. Alain Vanzo, en effet. Ouais. Qui t'a suggéré ça, qui a fait, si je me trompe pas, c'est comme ça que les choses ont commencé, c'est comme ça que ta carrière a commencé. Voilà, c'est ça. Si peut-être un de tes anciens professeurs ou un de tes anciens amis qui t'a connu peut-être à tes tout débuts, t'écoute, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à leur dire? Alors ça dépend à qui, parce que suivant à qui on parle, on dit des choses différentes. je sais que Monsieur Meloni c'était un mec extraordinaire, qui maintenant est fatigué, un peu âgé. C'est le professeur du conservatoire. Il avait des sautes d'humeur. Il était assez lyonnaisque. Il était assez, je dirais presque un peu capricieux des fois. J'étais un des rares élèves qui le prenait d'une certaine manière, ça, assez cool. Et puis on opposait un petit peu nos manières de voir, et finalement on se rendait compte qu'on était assez d'accord. Et des fois il était étonné de voir que j'étais davantage révolté que lui. Voilà. Après, ce que je peux dire, c'est à des jeunes qui sont un peu timides et qui hésite, quand on sait ce qu'on fait, il faut surtout pas hésiter. Après, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux peut-être poser des questions à des gens qui savent. Alors, c'est toujours compliqué de savoir si il faut foncer tête baissée ou pas, parce que si on fait une bêtise, il faut pas foncer. Si on fait pas une bêtise, il faut vraiment foncer. Et il faut essayer de voir les choses avec du recul, d'avoir des avis de personnes bien, qu'on a repérées comme étant bien, et pas le premier qui vient vous donner un conseil. Faut pas écouter forcément le conseil de celui qui vous dit vas-y, fonce, c'est bien. Oui. Voilà. Alors c'est assez compliqué, c'est une alchimie assez compliquée, hein, un dosage chimique un peu compliqué, de savoir ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Mais bon, si on a remarqué quelques fois qu'on se trompait pas, il faut continuer, voilà. C'est ce que je conseille aussi à Xiaoxiong, qui me disait « oui, mais je vais peut-être faire autre chose en même temps ». Je dis « non, avec ce que tu sais faire, c'est sûr que si tu te proposes et tu vas chercher des... tu vas montrer ce que tu sais faire dans le milieu du chant, il n'y aura pas de souci ». Et elle me disait, oui, mais si, on me veut pas. Ben, je lui dis, c'est pas possible qu'on ne te veuille pas, puisque tu as une qualité. Il suffit de montrer ce que tu sais faire à plusieurs personnes. Si la 10 ne veulent pas toi, la 11e voudra. Je rappelle une petite chose, cependant, Montserrat Caballé, ça peut être important de le savoir. Oui. Montserrat Caballé, qui était une chanteuse internationale, mais qui était la reine des reines pour moi, parce que elle avait une finesse dans le chant. Elle est toujours vivante, mais elle chante sans doute moins. Une finesse dans le chant exceptionnelle. Pour moi, c'est une déesse, hein. Eh bien, quand elle a commencé assez tard, c'est-à-dire à 32 ans, je crois, elle était allée voir le directeur d'un grand opéra sud-américain, je crois, et ce directeur super sympa lui a dit « Madame, vous pouvez retourner à la cuisine », sous-entendant que elle n'était pas bonne chanteuse, et que, alors qu'elle a montré qu'à 32 ans, dès qu'elle a commencé ses premiers rôles, elle était divine. C'est la Caballier, hein, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant. Oui. Voilà, c'était donc, faut faire très attention à ceux qui veulent vous casser dans l'élan. Donc c'est aussi ce que tu conseillerais peut-être à des personnes qui ont peut-être un petit peu peur de se jeter à l'eau. Oui, mais je dis attention, il faut se jeter à l'eau avec prudence aussi. Alors c'est ça, le dosage est important parce que en enseignant quelquefois, j'ai rencontré beaucoup de personnes timides qui étaient sur la réserve. J'ai rencontré quelques personnes assez rares mais qui étaient très sûres d'elles alors qu'elles n'avaient pas de quoi l'être. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il faut freiner les gens qui sont sûrs d'eux et qui se trouvent merveilleux alors qu'ils ne le sont pas encore, qu'ils ne le seront pas dans la branche qu'ils ont choisie. Donc c'est très compliqué, voilà. Alors c'est pour ça que je dis, il faut demander d'abord ce que les autres... Il ne faut pas hésiter à attraper la critique, c'est-à-dire à aller voir les gens qui vont vous casser sous différentes manières ou qui vont vous juger sous différentes manières. Et la manière dont on va vous juger, ça va vous permettre de voir si la personne qui vous a analysé, critique analytique, donc critique, mais ça peut être bon aussi, si la personne vous était jalouse, vous voulez du mal ou finalement c'était un bon conseil. Voilà, je vous donne encore un petit exemple. Quand on est jeune, des fois on a des difficultés à l'école, des gens vous disent passe le bac, mais si vous avez zéro partout et que vous n'avez pas le temps de travailler, ça ne sert à rien qu'on vous dise pendant un an passe le bac. On peut peut-être vous dire vas-y, prends ce boulot qui se présente. Ou alors fais les choses différemment. Voilà, quelquefois des gens veulent bien conseiller et pour se donner bonne conscience, elles vous précipitent vers des cursus ou des voies de travail ou d'études qui ne sont pas faites pour vous. Donc voilà, oui, il faut foncer tête baissée, mais toujours d'une manière intelligente, après réflexion et après remise en question aussi. Est-ce que toi, Xiao, tu donnerais le même conseil que Gomidas? Je ne veux pas donner trop de conseillers, surtout il travaille déjà beaucoup dans la musique, il a fait beaucoup de progrès en plus, donc je trouve que c'est très bien de continuer dans ce sens-là. Et continuer d'avoir cette libération dans la musique, je trouve que c'est très important. Donc, je peux pas donner plus. Comme je suis un débutant quand même, commencer par mon carrière, comme il est déjà quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de choses dans la musique, j'écoute les avis de Gomidas, voilà. Mais d'une certaine manière, elle m'a déjà donné des conseils, parce que quand quelqu'un comme elle vous fait un compliment, vous fait une remarque d'une certaine manière, c'est un conseil et c'est un encouragement. Exemple, quand on a fini de chanter, elle m'a dit c'est bien parce que quand tu... à un moment, je l'accompagne au piano à la fin aussi. Elle m'a dit tu fais ce que tu fais d'une manière libre. Je crois que c'est oui, ce qu'elle c'est m'a ça, dit. Je avec trouve... de la liberté. Oui. Alors du coup je lui ai demandé si elle pensait que j'étais pas en mesure, etc. Elle m'a dit non, pas du tout, parce que au niveau de la mesure, ça, du tempo, ça allait, et au niveau formation musicale, tout ça, ça peut aller. Donc j'essaie de savoir la forme de sa remarque. En fait, elle me dit non, mais elle admirait la liberté, et en effet du coup je m'autorise cette liberté, puisque finalement ce spectacle, ben en fait ça correspond à mon caractère, je peux en faire ce que je veux, voilà. Ouais. Oui. En effet, et c'est ça qui fait que parfois, ou vous écoutez ou vous n'écoutez pas des personnes qui vous veulent ou du bien ou pas du bien, vous arrivez à faire le tri pour continuer à progresser, et c'est ça qui est beau. Tiens, d'ailleurs, ça y est, j'ai trouvé ta page Facebook que je pourrais indiquer aux auditeurs, vu qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Donc pour ceux qui veulent te contacter, Xiao, donc c'est le profil Long Xiao Xiong, donc L-O-N-G X-X-I-A-O X-I-O-N-G, oui, c'est bien. Et toi, Gomidas, tu n'as certes pas Facebook, mais tu as un téléphone portable. Oui. Donc tu es joignable au 06 72 07 48 22. Là, on peut, j'imagine, aisément te joindre, hein, pour en savoir plus sur toi ou apprendre à mieux te connaître. Musicalement parlant aussi, oui, bien ou alors entendu. Pour nous proposer, voilà, des spectacles aussi, hein, voilà, aussi, pour enclencher des processus de j'imagine que de c'est concert. Possible aussi de faire des concerts privés ou des choses comme oui. ça, comme on en entend un petit peu parler avec déjà nos amis indiens Debo Jyoti et Jogita Sanyal qui sont aussi passés ici, qu'on salue s'ils nous écoutent. Voilà, là où plein de formats sont tout à fait possibles si vous voulez, j'imagine, un petit concert privé ou savoir où vous serez prochainement. On peut passer par là, tant par ton téléphone que par ton profil qui sera répété. Et je pense qu'on a déjà fait le tour de tout ce qu'il y a à dire, si je ne m'abuse. C'est ça. Et oui, et en effet, ça y est, c'est bel et bien la preuve qu'il n'y a que l'émission touche à sa fin, vu que ça y est, on entend le générique qui pointe le bout de son museau. Encore une fois, hein, merci Gomidas et merci Paréchao, merci pour votre temps, pour aussi cette exclusivité. En effet, un morceau, c'est la première fois que vous interprétiez un morceau en live tous les deux, voilà, s'il y a des prochains concerts, on sera tenu au courant, on le transmettra aux auditeurs, et bien entendu, hein, l'émission, quand elle sera diffusée, sera mise en podcast, hein, sur notre site internet radiogemozo.eu rubrique l'heure des loups, ou sur notre page Facebook Radio Gemozo, où ton profil sera tagué tout simplement, et puis voilà, je remercie beaucoup aussi les auditeurs pour leur attention quotidienne, hein, et habituelle, et encore une fois, ben, merci encore pour votre temps et de m'avoir ouvert les portes de votre art, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et aux auditeurs, vous connaissez la chanson, hein, merci encore pour votre attention, on se donne rendez-vous demain, même heure et de bonne humeur. En attendant, bonne soirée à tous.